Vaduzo absent. Alors comme ça on veut racailler. Allez, c'est rare de m'entendre draper. Rare de voir ma poire en temps de paix. Garde ma paranoïa près de moi, Booba, tu sais pour qui je plaide. Pas pour ceux qui saignent et qui se plaignent. Pour les visages pleins de plaies qui gardent silence. Blessé. Pour le blessé. DCP du G9 au PC. Ici y'a pas le temps, faut me laisser. Ici y'a pas de tente. Ici y'a rien de tendre, rien à comprendre. Pas de mauvaise entente, ni de faux dans mon ethnie. Éduqué au vice du ghetto. Veux ma peau pour ce qui sort de mon bic. Ou la taille de ma bite, là où j'habite. La qualité de mon shit. La facilité plaît au Mac et leur pute. Simule à chaque passe piste le luxe. Ça existe pas dans mon district. Nos lois sont dures, écarte les balles, trame de ce qu'on nous destine. Bouge ou c'est rouge, 192 pour les têtes brûlées. Les purs, les durs, les. Faut qu'elle m'écoutait la police hurler. Ceux qui mollissent pas très haut. J'emmène les frères en réa. Car c'est violent depuis le préau. C'est pour les têtes brûlées, les purs, les durs, les. Faut qu'elle m'écoutait la police hurler. Ceux qui mollissent pas très haut. J'emmène les frères en réa. Car c'est violent depuis le préau. Dans mon croc, y'a pas de pédé. Trop d'ITT, j'peux pas t'expliquer. Comprendrais si t'y étais. Dédicacé au sac, au jupe. Ceux qui braquent la bac et les stupes. Paris c'est plein de chats et de boîtes de nuit. Y'a rien que des conflits, c'est flippant. Les petits arrachent les sacs et les jupes. Moi, propli par les prisons, c'est le juge. Droitement en travaux, ravage dès l'âge de marché. Rien à cacher, tout ce qu'on a, je sais, vu qu'on possède peu. Avec le shit, la boue, on cède. Tous le stress, crache nos soucis. La rage, on suspend jusqu'au lendemain. On fait nos dièses dans des ruches. J'ai besoin d'un coup de main, frère, faut que je fasse du rendement. C'est pour les têtes brûlées, les purs, les durs, les. Faut qu'elle m'écoute la police hurler. Tête brûlée. Ceux qui mollissent pas très haut. J'emmène les frères en réa. Car c'est violent depuis le préau. C'est pour les têtes brûlées, les purs, les durs, les. Faut qu'elle m'écoute la police hurler. Tête brûlée. Ceux qui mollissent pas très haut. J'emmène les frères en réa. Car c'est violent depuis le préau. Chez nous, y'a pas les solutions que l'OTAN injecte. On rêve de se faire sucer en pilotant un jet détaillé. Tous fatigués, dracaillés. J'ai fait des choses bien, j'sais pas combien, et c'est ça le blême. Et c'est pour ça qu'on purge des sales peines en cash. Pour ça qu'il faut que tu me payes en cash. On compare pas les hommes d'honneur et les donneuses. Le stress et la sérénité, la brise et le tonnerre. Ceux qui aboient et ceux qui mordent. Ceux qui assurent ou qui merdent. Et ceux qui montent, les traîtres et ceux qui manquent. Nos textes aux vôtres. C'est pour les têtes brûlées, les purs, les durs, les. Faut qu'elle m'écoute la police hurler. Ceux qui mollissent pas très haut. J'emmène les frères en réa. Car c'est violent depuis le préau. C'est pour les têtes brûlées, les purs, les durs, les. Faut qu'elle m'écoute la police hurler. Ceux qui mollissent pas très haut. J'emmène les frères en réa. Car c'est violent depuis le préau. C'est pour les têtes brûlées, les purs, les durs, les. Faut qu'elle m'écoute la police hurler. Ceux qui mollissent pas très haut. J'emmène les frères en réa. Car c'est violent depuis le préau. C'est pour les têtes brûlées, les purs, les durs, les. Faut qu'elle m'écoute la police hurler. Ceux qui mollissent pas très haut. J'emmène les frères en réa. Car c'est violent depuis le préau.